toi qui fais des bons plus haut que moi, toi qui sais chanter, chanter plus haut que moi, toi que la raison n'arrête pas, toi qui sais rêver, emporte-moi, saute les murs gris, emporte-moi dans ton horizon, ta vie, emporte-moi, toi qui vois là-bas, plus loin que moi et plus haut que moi. Est important. Les lois, les banques et les chiffres. Voilà qu'auprès de toi, ce n'est plus que du vent. Dis-moi que c'est encore possible d'essayer de vivre autrement. Un signe de toi, je viens, me voilà. Emporte-moi, la vie, montre-la-moi. Toi qui fais des bons plus haut que moi, toi qui sais chanter, chanter. Tenter l'impossible et surtout ne ris pas de moi. Un signe de toi, je viens, me voilà. Emporte-moi, la vie, montre-la-moi. Toi qui fais des bons plus haut que moi, toi qui sais chanter, chanter plus haut que moi, toi que la raison n'arrête pas, toi qui sais rêver, emporte-moi, saute les murs gris, emporte-moi. Emporte-moi, saute les murs gris, emporte-moi dans ton horizon.